Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, s'est rendu à l'entreprise de pêche 25 août de l'Armée populaire de Corée, pays natal de l'histoire de la mer d'or. Il a été accompagné du sous-maréchal Fong Byung-sun, chef de la direction politique générale de l'Armée populaire de Corée, et le colonel général Soh Hong-chan, premier vice-ministre des Forces armées populaires. Il a dit que l'entreprise de pêche 25 août de l'Armée populaire de Corée, qui a honoré la première page de l'histoire de la mer d'or, est un endroit profondément lié avec lui et qu'il est revenu voir les cadres et le personnel de l'entreprise. Le maréchal Kim Jong-un est monté sur le bateau de pêche Dampon 103 en train de se vider des poissons débordants pour serrer amicalement les mains écaillées des pêcheurs et de s'entretenir sans façon. Devant les pêcheurs, ne sachant que faire en versant de chaudes larmes, il appréciait leur peine dans la haute mer au froid et écoutait avec attention leurs avis en demandant s'ils ne sont pas fatigués puisqu'ils sont rentrés un petit matin après avoir pêché les poissons et s'il n'y a pas d'inconvénients. Il les encourageait à rehausser l'efficacité du bateau de pêche construit par le parti, avec la fierté et la dignité de travailler dans le pays natal du bateau de pêche d'Anpon et à ne pas céder la première place dans la pêche. Le maréchal Kim Jong-un a fait le tour de divers endroits de l'entreprise pour s'informer en détail de la pêche, du stockage et du ravitaillement de poissons. Dans un frigorifique, il a caressé une fois de plus les poissons congelés empilés et dit avec une grande joie que toutes les entreprises halieutiques de l'armée populaire laissent voir un tel paysage satisfaisant et que tous les frigorifiques de l'entreprise de pêche 25 août aussi sont pleins de poissons. Promenant ses regards sur les femmes de pêcheurs travaillant dans l'atelier de transformation de poissons, il a estimé leur peine en disant que les marées luttent contre la tempête pour dépasser le plan de pêche défini par le parti, alors que leurs femmes ont organisé les sections de famille pour livrer une campagne compétitive de transformation de poissons. Dans l'entrepôt de ce mirage, il est assis sans façon au bord salin du réservoir de ce mirage et a dit avec joie que ce réservoir aussi déborde de poissons. Le maréchal a invité à complémenter des appareils de congélation ultra-rapide et frigorifique et à mécaniser à un haut niveau des processus de transformation pour alimenter toutes les saisons les militaires et civils en poissons frais, qu'il n'y a rien à épargner pour l'alimentation des militaires et civils et que le parti réglera tous les problèmes difficiles avant de recommander de pêcher seulement beaucoup de poissons. Informé de la pêche abondante de poissons sans précédent dans la dernière campagne de pêche intensive d'Artoscopus japonicus, le maréchal a indiqué avec émotion qu'il semble que la mer a ouvert la voie pour que les poissons aussi viennent en banc, tous émus par la fidélité de ces pêcheurs qui ont manifesté l'esprit d'application de la politique du parti au prix de la vie, disant qu'ils ne peuvent pas ancrer avant d'arborer le drapeau d'abondance de pêche pour entrer dans la cour du comité central du parti avec un rapport de fidélité. Et de continuer. Les poissons sentent dans l'enceinte de l'entreprise et je me sens rafraîchi. Dire que les cadres du secteur de pêche de l'armée populaire se soucient de la transformation lente des poissons pêchés, c'est très bon. Bien que je sois fatigué, je me sens revigoré et j'éprouve la joie de travailler à entendre une telle histoire heureuse. Comme si c'était hier que j'ai nommé Dampon les bateaux de pêche construits pour l'entreprise halieutique 25 août de l'armée populaire de Corée, souhaitant que la mer aussi salue l'automne abondant. Mais un tel prodige s'est produit très rapidement. Les tas de poissons empilés haut dans le secteur de pêche de l'armée populaire traduisent le moral inflexible de leur mérite. Le mythe de pêche d'aujourd'hui est dû aux cadres et pêcheurs du secteur halieutique de l'armée populaire qui ont attaché fort les lanières spirituelles et ramé vigoureusement pour appliquer la politique du parti au prix de la vie. À travers les succès étonnants remportés cette année dans le secteur de pêche de l'armée populaire, je suis plus fermement convaincu qu'une histoire nouvelle de la mer d'or pourra être créée infailliblement. Le secteur de pêche de l'armée populaire doit à l'avenir aussi travailler toujours avec son moral pour devenir pionnier de la révolution dans la pêche et conquérant de la mer, écrivant sans cesse l'histoire de la mer d'or avec sang et sueur empreint du patriotisme et de la fidélité. Notre mer sert de ressources naturelles inépuisables dont notre génération et des nouvelles générations tireront profit. des cadres et pêcheurs des secteurs halieutiques de tout le pays sont invités à faire preuve pleinement de la brûlante fidélité au parti, à la révolution, à la patrie et au peuple, dans l'application de la politique du parti en matière de pêche, pour assurer à jamais l'abondance de pêche et faire un grand apport à l'édification d'un pays riche et puissant. Sur ce, le maréchal a présenté des tâches de valeur de programme pour le secteur de pêche. Le maréchal Kim Jong-un a apprécié de nouveau les cadres et le personnel de l'entreprise halieutique 25 août de l'armée populaire de Corée qui ont assuré l'abondance de pêche cette année aussi et s'est montré certain qu'ils continueront à innover et à progresser pour donner plus fort un coup de sirène d'abondance de poissons avant de se faire photographier en souvenir avec eux.